Sage africain, nana, nanae, nanae, nanae, nanae, on fait bannir à Bolino. Nana, on fait, fondateur du PDCI, RDA, oh, nana, on fait, nanae, nanae, nanae, on fait, nanae, nanae, on fait bannir à Bolino. Fondateur du syndicat agricole africain, nanae, on fue pañi wa bolingo papa ye nanae nanae on fue pañi wa bolingo libérateur du peuple africain nana ou fue abolisseur des travaux forcés nana ou fue nanae nanae nanae on fue pañi wa bolingo nana ou fue pañi pacificateur nana ou fue nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana c'est quoi ça va gagner nanae, on fait, nanae, nanae, on fait bannir à Bolingo. Nana, on fait, encyclopédie de l'Afrique, nanae, nana, on fait de papa, nanae, nanae, on fait, nanae, nanae, on fait bannir à Bolingo. Vive Nana Ofoué. Nanae, Ofoué, Nanae, Nanae, Ofoué, Wani Wabolingo. Nanae, Mananae, Nanae, Mananae, Nanae, Mananae. Nanae, Mananae, Nanae, Mananae, Péliès, Kapongo Eto. À Abidjan, à CMPI.